À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le Cercle d'études des idées du Tutsi et de la jeunesse du Congo démocratique a lancé une déclaration pour exiger l'arrêt immédiat des pressions anachroniques des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée pour la détente et l'environnement pacifique dans la péninsule coréenne.